les vents et les tempêtes. Ce ne sera pas autrement, car de tout mon être, je l'aime. Et même si nos sentiments nous entraînent vers un engouement qui provoquera peut-être la jalousie des gens, sans pour autant être la fin de notre monde. Il est là devant nous. Tu n'as qu'à tendre la main pour sentir mon amour. Rien que pour toi, baby, je ferai n'importe quoi. Même le sacrifice de ma vie sans aucun doute. Du moment qu'on reste à jamais sur la route de l'amour. Laisse-moi te chérir, mi amor. Laisse-moi t'aimer. Señorita, laisse-moi te chérir, mi amor. Laisse-moi t'aimer, señorita. Yeah.